Chapitre 9. Caractères sociaux. Le prêtre. Ces caractères que nous avons nommés sociaux se réduisent à deux pour le poète, ceux du prêtre et du guerrier. Si nous n'avions pas consacré à l'histoire du clergé et de ses bienfaits la quatrième partie de notre ouvrage, il nous serait aisé de faire voir à présent combien le caractère du prêtre dans notre religion offre plus de variété et de grandeur que le même caractère dans le polythéisme. Que de tableaux à tracer depuis le pasteur du hameau jusqu'au pontife qui ceint la triple couronne pastorale, depuis le curé de la ville jusqu'à l'anachorète du rocher, depuis le chartreux et le trappiste jusqu'au docte bénédictin, depuis le missionnaire et cette foule de religieux consacrés aux maux de l'humanité jusqu'au prophète de l'antique Sion. L'ordre des vierges n'est ni moins varié ni moins nombreux. Ces filles hospitalières qui consument leur jeunesse et leur grâce au service de nos douleurs, ces habitantes du cloître qui élèvent à l'abri des autels les épouses futures des hommes, en se félicitant de porter elles-mêmes les chaînes du plus doux des époux, toute cette innocente famille sourit agréablement aux neuf sœurs de la fable. Un grand prêtre, un devin, une vestale, une sibylle, voilà tout ce que l'Antiquité fournissait aux poètes. Encore ces personnages n'étaient-ils mêlés qu'accidentellement au sujet, tandis que le prêtre chrétien peut jouer un des rôles les plus importants de l'épopée. M. de la Harpe a montré dans sa Mélanie ce que peut devenir le caractère d'un simple curé traité par un habile écrivain. Shakespeare, Richardson, Goldsmith ont mis le prêtre en scène avec plus ou moins de bonheur. Quant aux pompes extérieures, nulle religion n'en offrit jamais de plus magnifique que les nôtres. La fête Dieu, Noël, Pâques, la Semaine Sainte, la fête des morts, les funérailles, la messe et mille autres cérémonies fournissent un sujet inépuisable de description. Certes, les muses modernes qui se plaignent du christianisme n'en connaissent pas les richesses. Le Tasse a décrit une procession dans la Jérusalem, et c'est un des plus beaux tableaux de son poème. Enfin, le sacrifice antique n'est pas même banni du sujet chrétien, car il n'y a rien de plus facile, au moyen d'un épisode, d'une comparaison ou d'un souvenir, que de rappeler un sacrifice de l'ancienne loi. Chapitre 10. Suite du prêtre, la Sibylle, Joade, parallèle de Virgile et de Racine. Énée va consulter la Sibylle. Arrêté au soupirail de l'antre, il attend les paroles de la prophétesse. « Cum virgo, poscere fata », etc. Alors, la Vierge, « Il est temps d'interroger le destin. Le Dieu, voilà le Dieu », elle dit, etc. Énée adresse sa prière à Apollon. La Sibylle lutte encore. Enfin, le Dieu la dompte, les 100 portes de l'antre s'ouvrent en mugissant, et ses paroles se répandent dans les airs. Ferunt responsa per auras. O tandem magnis pelagi defuncte periclis. Ils ne sont plus les périls de la mer, mais quel danger sur la terre, etc. Remarquez la rapidité de ses mouvements. Deus, hece Deus. La Sibylle touche, saisit l'esprit. Elle en est surprise. Le Dieu, voilà le Dieu. C'est son cri. Ces expressions « non volutus, non color unus » peignent excellemment le trouble de la prophétesse. Les tours négatifs sont particuliers à Virgile, et l'on peut remarquer en général qu'ils sont fort multipliés chez les écrivains d'un génie mélancolique. Ne serait-ce point que les âmes tendres et tristes sont naturellement portées à se plaindre, à désirer, à douter, à exprimer avec une sorte de timidité, et que la plainte, le désir, le doute et la timidité sont les privations de quelque chose. L'homme que l'adversité a rendu sensible aux peines d'autrui ne dit pas avec assurance « je connais les mots », mais il dit comme Didon « non ignara mali ». Enfin, les images favorites des poètes enclins à la rêverie sont presque toutes empruntées d'objets négatifs, tels que le silence des nuits, l'ombre des bois, la solitude des montagnes, la paix des tombeaux, qui ne sont que l'absence du bruit, de la lumière, des hommes et des inquiétudes de la vie. quelle que soit la beauté des vers de Virgile, la poésie chrétienne nous offre encore quelque chose de supérieur. Le grand prêtre des Hébreux, prêt à couronner Joas, est saisi de l'Esprit divin dans le temple de Jérusalem. Voilà donc quel vengeur s'arme pour ta querelle, des prêtres, des enfants, ô sagesse éternelle. Mais si tu les soutiens, qui peut les ébranler? Du tombeau, quand tu veux, tu sais nous rappeler. Tu frappes et guéris, tu perds et ressuscites. Ils ne s'assurent point en leur propre mérite. Mais en ton nom, sur eux invoqués tant de fois, en tes serments jurés au plus saint de leur roi, en ce temple où tu fais ta demeure sacrée, et qui doit du soleil égaler la durée. Mais d'où vient que mon cœur frémit d'un saint effroi? Est-ce l'Esprit divin qui s'empare de moi? C'est lui-même, il m'échauffe, il parle, mes yeux s'ouvrent, et les siècles obscurs devant moi se découvrent. Cieux, écoutez ma voix. Terre, prête l'oreille. Ne dis plus, ô Jacob, que ton Seigneur sommeille. Pécheur, disparaissez, le Seigneur se réveille. Comment, en un plomb vil, l'or pur s'est-il changé? Quel est dans le lieu saint ce pontife égorgé? Pleure, Jérusalem, pleure, cité perfide, des prophètes divins malheureuses homicides. De son amour pour toi, ton Dieu s'est dépouillé. Ton encens à ses yeux est un encens souillé. Où menez-vous ces enfants et ces femmes? Le Seigneur a détruit la reine des cités. Ses prêtres sont captifs, ses rois sont rejetés. Dieu ne veut plus qu'on vienne à ses solennités. Temple, renverse-toi. Cèdre, jetez des flammes. Jérusalem, objet de ma douleur, quelle main en un jour t'a ravi tous tes charmes? Qui changera mes yeux en deux sources de larmes pour pleurer ton malheur? Il n'est pas besoin de commentaires. Puisque Virgile et Racine reviennent si souvent dans notre critique, tâchons de nous faire une idée juste de leur talent et de leur génie. Ces deux grands poètes ont tant de ressemblances qu'ils pourraient tromper jusqu'aux yeux de la muse comme ces jumeaux de l'Énéide qui causaient de douces méprises à leur mère. Tous deux polissent leurs ouvrages avec le même soin. Tous deux sont pleins de goût, tous deux hardis et pourtant naturels dans l'expression. Tous deux sublimes dans la peinture de l'amour. Et comme s'ils s'étaient suivis pas à pas, Racine fait entendre dans Esther je ne sais quelle suave mélodie dont Virgile a pareillement rempli sa seconde hégiogue, mais toutefois avec la différence qui se trouve entre la voix de la jeune fille et celle de l'adolescent, entre les soupirs de l'innocence et ceux d'une passion criminelle. Voilà peut-être en quoi Virgile et Racine se ressemblent. Voici peut-être en quoi ils diffèrent. Le second est en général supérieur au premier dans l'invention des caractères. Agamemnon, Achille, Oreste, Mithridate, Acomate sont forts au-dessus des héros de l'Énéide. Énée et Turnus ne sont beaux que dans deux ou trois moments, mais en seul et fièrement dessiné. Cependant, dans les peintures douces et tendres, Virgile retrouve son génie. Évandre, ce vieux roi d'Arcadie qui vit sous le chaume et que défendent deux chiens de berger, au même lieu où les Césars, entourés de prétoriens, habiteront un jour leur palais, le jeune Pallas, le beau Lausus, Nisus et Euryale sont des personnages divins. Dans les caractères de femmes, Racine reprend la supériorité. Agrippine est plus ambitieuse qu'Amate, Phèdre plus passionnée que Didon. Nous ne parlons point d'Athalie parce que Racine, dans cette pièce, ne peut être comparée à personne. C'est l'œuvre le plus parfait du génie inspiré par la religion. Mais, d'un autre côté, Virgile a pour certains lecteurs un avantage sur Racine. Sa voix, si nous osons nous exprimer ainsi, est plus gémissante et sa lyre plus plaintive. Ce n'est pas que l'auteur de Phèdre n'eût été capable de trouver cette sorte de mélodie des soupirs. Le rôle d'Andromaque, Bérénice tout entière, quelques stances des cantiques imitées de l'écriture, plusieurs strophes des chœurs d'Esther et d'Athalie, montrent ce qu'il aurait pu faire dans ce genre. Mais il vécut trop à la ville, pas assez dans la solitude. La cour de Louis XIV, en lui donnant la majesté des formes et en épurant son langage, lui fut peut-être nuisible sous d'autres rapports. Elle l'éloigna trop des champs et de la nature. Nous avons déjà remarqué qu'une des premières causes de la mélancolie de Virgile fut sans doute le sentiment des malheurs qu'il éprouva dans sa jeunesse. Chassé du toit paternel, il garda toujours le souvenir de sa Mantoue. Mais ce n'était plus le Romain de la République, aimant son pays à la manière dure et âpre des Brutus. C'était le Romain de la monarchie d'Auguste, le rival d'Homère et le nourrisson des Muses. Virgile cultiva ce genre de tristesse en vivant seul au milieu des bois. Peut-être faut-il encore ajouter à cela des accidents particuliers. Nos défauts moraux ou physiques influent beaucoup sur notre humeur et sont souvent la cause du tour particulier que prend notre caractère. Virgile avait une difficulté de prononciation. Il était faible de corps, rustique d'apparence. Il semble avoir eu dans sa jeunesse des passions vives auxquelles ses imperfections naturelles purent mettre des obstacles. Ainsi, des chagrins de famille, le goût des champs, un amour-propre en souffrance et des passions non satisfaites s'unirent pour lui donner cette rêverie qui nous charme dans ses écrits. On ne trouve point dans Racine le « Dii saliter visum », le « Dulces moriens reminiscitur argos », le « Disque, puer virtutem ex me, furtanem ex aliis », le « Lirnisei domus alta, sola laurente sepulchrum ». Il n'est peut-être pas inutile d'observer que ces mots attendrissants se trouvent presque tous dans les six derniers livres de l'Énéide, ainsi que les épisodes d'Évandre et de Pallas, de Mésence et de Lausus, de Nisus et de Rial. Il semble qu'en approchant du tombeau, le signe de Mantoue mit dans ses accents quelque chose de plus céleste, comme les signes de l'Eurotas consacrés aux Muses, qui, avant d'expirer, avaient, selon Pythagore, une vision de l'Olympe et témoignaient leur ravissement par des chants harmonieux. Virgile est l'ami du solitaire, le compagnon des heures secrètes de la vie. Racine est peut-être au-dessus du poète latin parce qu'il a fait Athalie. Mais le dernier a quelque chose qui remue plus doucement le cœur. On admire plus l'un, on admire plus l'autre. Le premier a des douleurs trop royales, le second parle davantage à tous les rangs de la société. En parcourant les tableaux des vicissitudes humaines tracées par Racine, on croit errer dans les parcs abandonnés de Versailles. Ils sont vastes et tristes, mais à travers leur solitude, on distingue la main régulière des arts et les vestiges des grandeurs. Je ne vois que des tours que la cendre a couvertes. Un fleuve teint de sang, des campagnes désertes. Les tableaux de Virgile, sans être moins nobles, ne sont pas bornés à de certaines perspectives de la vie. Ils représentent toute la nature. Ce sont les profondeurs des forêts, l'aspect des montagnes, les rivages de la mer, où des femmes exilées regardent, en pleurant, l'immensité des flots. Cunctaeque profundum, pontum ad spectabant flentes.